J'commence l'album tout au fond d'un précipice. Loin d'être cané, mais j'fais le mort en mode rest in peace. J'observe de loin la chose et j'ai vite fait le calcul. J'passerai pas sur leur radio vu le message que j'véhicule. Suicide sonore, avec mon talent leur met des claques. J'n'aurai jamais mon disque d'or, même s'il m'a bombé dans les bacs. Pardon maman, j'aurais dû aller à la fac. J'étais con à l'époque, j'pensais truster les idées Fnac. Mon constat, un échec, le son m'a pas fait ken de schneck. T'es buzzé, les cuisses s'écartent, même si t'as la gueule à Shrek. Au moment d'écrire l'opus, c'est pas quel ton j'vais lui donner. J'démarre lourd, nique sa mère, si son tu peux pas le fredonner. Époque merdique, le rap est en mort clinique. Mon flow, un SOS, en direct de la fosse sceptique. Fermez la gueule des sceptiques, pour moi c'est systématique. Prends-moi, j'compte tous vous enterrer, y'a pas besoin de faire de mathématiques. Un grand mythe ni contrarié. Vaut mieux pas venir l'embêter. Si par malheur vous essayez, préparez-vous, ça va barder. Venez des abysses qui l'ont procréé. Il est méchant et n'a pas pitié. La seule chose à vous conseiller, c'est quand ça m'éloigne, j'y résonne, fuyez. De l'azote au bout de ma plume, ma vengeance se graille givrée. J'suis qu'un homme, j'peux mentir, mais ma rime elle dit vrai. Y'a pas de talent dans leur CD, voilà pourquoi j'suis excédé. Les deux viennent se succéder, maintenant y'a trop d'ICVD. Tu veux des blases, on dirait pas, façon sec des canulars. Y'en a marre de leur canular, j'les envoie voir leur corbillard. J'ai honte de dire que j'fais du son, car j'ai peur de me faire huer. Le rap c'est franc, ne m'intéresse plus depuis que Skyrock l'a tué. On m'a dit sois commercial, désolé j'préfère être sale. Comme une putain éjac faciale dans les yeux de Marion Maréchal. Non j'fais pas dans la danse. Je préfère souiller la soie. Même tout le sang de vos cadavres ne pourront étancher ma soif. Certains voulaient me voir exhumé. J'espère que l'album va faire du bruit. Je suis pas ton rappeur préféré, mais je sais que je suis meilleur que lui. J'ai traversé les abîmes pour enterrer leur pop système. Premier coup de pelle, c'est millésime. Je sais pas s'en aura un deuxième. Un croque-mité ni contrarié. Vaut mieux pas venir l'embêter. Si par malheur vous essayez, préparez-vous, ça va barder. Venez des abysses qui l'ont procréé. Il est méchant et n'a pas pitié. La seule chose à vous conseiller, c'est quand ça mélange, j'y résonne, fuyez.